Peut-être qu'on est un peu. Peut-être en se moquant inconsciemment de quelqu'un. Ça doit peut-être m'arriver. Là-bas. Arrêtez. choc, je comprends pas comme calme. C'était pas une musique, c'était plutôt comme des grenouilles en fait, la nuit, comme des grenouilles qui souffrent. Je voulais, je sais pas ce que je voulais, comme des grenouilles qui souffrent. Peut-être parler en tout cas, oui, j'ai décroché mon téléphone. Thank you. c'est ne pas comprendre. C'est une grande chose de comprendre. L'imagination est violente dans la vengeance. Qui adoucit la frustration. C'est un... Il y a nécessairement une tension. Ça peut, ça, le loup peut devenir tellement excessif que ça t'empêche de... Éventuellement, c'est dans une situation de pré-sommeil, de carrément t'empêcher de dormir. Il y a, comme c'est comme une addiction en mentalité. Never seen somebody like this before. Juste parfois à froid comme ça penser quelque chose. Arrêtez. Thank you. gun. John with a gun. The with a gun. The with a gun. Looking at me. The gun. The gun. The gun. With a gun. The Jean with a gun. Looking at me.